إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue, on avait terminé la dernière fois d'expliquer un peu sur la magie et en ce qui concerne la magie, mais on n'avait pas mentionné yani, le verdict en ce qui concerne les magiciens et yani, les ulama ont expliqué que le verdict en ce qui concerne le magicien, c'est qu'il soit exécuté yani, avec un coup d'épée, et ça c'est le hukum, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est ça le verdict de l'islam en ce qui concerne les gens qui font de la magie. D'accord, maintenant on peut passer à l'autre point que le cheikh a mentionné parmi les sujets, et c'est Al-Kahana. Al-Kahana, ça veut dire en français, c'est les bizarres de bonne aventure, ou les voyants, ou les médiums, c'est ce genre de choses-là. C'est-à-dire les gens qui prétendent connaître des connaissances à propos de l'avenir, ou à propos de Al-Ghayb, comme on dit en arabe, l'invisible. D'accord ? Donc, le cheikh il dit Al-Kahana, wa hiya ad-di'a'u 'ilm al-Ghayb. كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب وهو استفراق السمع ويستفرق الجن الكلمة من كلام الملائكة فيلقيها في أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة والله هو المتفرد بعلم الغيب فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهنة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه وهو مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique, il dit que la voyance ou dire la bonne aventure ou des choses de ce genre, ça il dit, ça fait partie de prétendre de connaître la connaissance de l'inconnu ou de l'invisible. D'accord ? Et c'est d'essayer de prédire ou d'annoncer ce qui va se passer sur la Terre dans l'avenir. Et de se rapporter là-dessus à une cause. D'accord ? Et le chef, pourquoi il mentionne la cause ici ? C'est qu'en fait, pour revenir un petit peu en arrière sur ce que le chef a dit, Al-Ghayb, c'est pas nécessairement l'avenir seulement. Ça peut être aussi d'annoncer à quelqu'un ou de prétendre connaître des choses cachées que personne ne connaît, même si ça fait partie du passé. D'accord? Par exemple, souvent, les personnes vont aller voir un voyant pour leur demander au sujet d'une personne qui est morte. Et puis, elle va essayer de prédire ou de dire des choses qui concernaient cette personne durant sa vie, même si la personne elle l'a pas connue, elle va essayer de donner à la personne des renseignements vraiment des renseignements vraiment précis sur la personne que cette personne-là en temps normal n'aurait jamais pu connaître parce qu'elle n'était pas familière avec la personne. Mais la raison pour l'explication de ça justement, c'est de ça que le chef il parle ici en parlant du sabab. Et il dit huwa istifraq as-sam'. C'est-à-dire que il y a, on peut dire, différentes catégories de voyants, on peut dire deux catégories de voyants. Les voyants qui font juste y en mentir, c'est-à-dire ils prétendent de connaître l'avenir, et puis ils font juste raconter des mensonges, raconter n'importe quoi aux gens. Okay. Ceux-là, c'est des, on peut dire, c'est des gens qui prétendent de dire l'avenir, mais ils n'ont pas là-dedans un contact avec rien de surnaturel. Ils n'ont pas un contact avec une information de quelqu'un de l'extérieur. Mais il y a une autre catégorie de voyants, et c'est ceux qui ont contact avec les djinns pour essayer d'avoir des informations au sujet de l'invisible. D'accord? Bien entendu, les djinns ne connaissent pas l'invisible. Excepté que, étant donné la façon qu'ils sont, leur création, comment Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, et les caractéristiques qu'ils ont, ils sont capables de faire certaines choses que les êtres humains ne sont pas capables de faire. À cause de ça, ils peuvent avoir accès à certaines connaissances que l'être humain n'est pas capable d'acquérir par les moyens naturels. D'accord? Alors, parmi les moyens que les djinns utilisent pour acquérir certaines informations à propos des choses que les gens ne savent pas, c'est qu'ils s'assoyaient aux portes du ciel, aux portes des derniers cieux, pour essayer d'écouter les messages qui se transmettaient entre les anges. Et ils essayaient de capter des renseignements et des informations qui étaient transmises entre les anges, et ils essayaient de voler certaines informations, et ils les transmettaient à leurs voyants, d'accord? Et souvent, ces voyants ou ces personnes qui prétendent connaître l'avenir, elles font, bien entendu, des actes de sacrilège ou de shirk ou de kufr pour pouvoir entrer en contact avec un djinn en particulier. Et une fois qu'elle a donné au djinn ce que le djinn a réclamé, eh bien, le djinn en retour et lui donne certaines informations qu'il a volées dans le ciel. Mais, qu'est-ce qui se passe, c'est que, étant donné que, après la révélation du Coran, après que Allah a révélé le Coran, les cieux ont été préservés, alors, depuis ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent à chaque information qu'ils ont, une centaine de mensonges. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque les voyants ou les gens qui prétendent connaître l'avenir informent les gens de certaines informations qu'ils prétendent connaître, alors ils leur disent les choses qu'ils ont appris du djinn, les gens ont tendance toujours à se souvenir de qu'est-ce qui est vrai, dans qu'est-ce que les diseurs de bonne aventure disent, sauf que ce qui est faux, ils l'oublient après, d'accord? Donc par exemple, on va dire, la personne commence à lui raconter toutes sortes de choses, et là, si une de ces choses-là arrive, elle va dire, bon, c'est vrai, le voyant m'avait prédit que telle chose allait arriver, et elle oublie toutes les autres choses qui ne sont même pas arrivées. Voilà. Donc, ça c'est une des choses, comment le shaitan trompe certains des êtres humains. Et l'histoire, comment c'est arrivé, c'est comme Allah SWT a dit dans Surah Al-Jim, Allah SWT a dit, وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا dans سورة الجن الله سبحانه وتعالى justement il explique qu'est-ce que les djinns racontent justement à ce sujet-là, c'est que avant les djinns avaient accès à l'information du ciel, ils étaient capables d'en voler beaucoup plus, mais depuis que le Coran a été révélé, il y a une barrière qui s'est faite entre eux et les informations du ciel, et chaque fois qu'ils essaient de voler des informations, ils sont poursuivis par une étoile filante qui vient pour les frapper. Et donc, à cause de ça, depuis ce temps, ils ne sont plus capables d'avoir accès aussi facilement aux informations. Et il y a des hadiths aussi qui sont rapportés là-dessus, et comme le ayah que je vous ai mentionné, c'est ça qu'il disait, avant nous nous assoyons dans les cieux pour attraper des informations, mais aujourd'hui celui qui s'assoit pour essayer d'écouter, il se fait poursuivre par une étoile brûlante qui vient pour les frapper, puis actuellement, on ne sait plus exactement est-ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a voulu pour les gens de la terre un bien ou qu'un malheur arrive à une certaine partie de la terre. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès aussi facilement aux informations qu'ils avaient auparavant. Et puis, dans les hadiths aussi, c'était aussi mentionné dans certains hadiths, comme par exemple, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense qu'il était dans un des marchés, et un groupe des sahaba avait fait la prière. Et les djinns ont réalisé qu'ils n'avaient plus accès comme avant aux informations, alors ils se sont rassemblés, puis ils se sont demandé pour quelle raison on n'a plus accès à l'information comme avant. Et là, ils ont entendu le Coran, et c'est depuis ce temps-là, yani, quand les sahaba récitaient le Coran dans la prière, yani, ils étaient bloqués d'entendre l'information du ciel. Alors, yani, depuis que le Coran a été révélé, justement, ils ont été bloqués de ça. Alors, le cheikh, il continue, et puis il dit, « Wallahu huwa al-mutafarridu bi'ilm al-ghayb » فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهنة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه وهو مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique maintenant et il dit que Allah est le seul et l'unique à posséder la connaissance de l'inconnu, de l'invisible. Alors, quiconque prétend être partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala ou bien être associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la connaissance de l'invisible, que ce soit par la voyance ou de prétendre être un médium ou un voyant ou de prétendre être un diseur de bonne aventure ou quelque chose comme ça, ou que ce soit par un autre moyen, par exemple, certains des chouyours soufis, parmi les soufis, certains de leurs chouyours croient ou prétendent connaître certaines connaissances de l'invisible. Et puis, par exemple, certains des gens qui suivent ces chouyours-là, ils croient que, par exemple, le cheikh a la capacité de savoir ce qu'ils ont dans leur cœur. Donc, à cause de ça, ils ont peur du cheikh, d'avoir des pensées mauvaises envers le cheikh, parce qu'ils ont peur que le cheikh soient capables d'atteindre des connaissances, de savoir ce qu'ils ont dans leur cœur. Et donc, ça fait partie des croyances qui sont contraires à l'islam, parce que c'est de prétendre posséder une des attributs qui sont spécifiques et qui appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il explique et il dit, alors celui qui prétend connaître l'inconnu, que ce soit par de prétendre être un voyant ou autre moyen, autre prétention, ou qui croit en la personne qui le prétend. C'est-à-dire, si une personne, par exemple, elle n'a pas prétendu connaître le vrai, sauf qu'elle a cru en la personne qui prétend le connaître, alors dans ce cas-là, elle aussi, elle a donné à Allah subhanahu wa ta'ala un partenaire dans cet attribut qui fait partie de ses particularités. Et donc, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi il a rejeté la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, le cheikh il dit, « وَكَثِيرٌ مِنَ الْكَهَانَةِ الْمُتَعَلِّقَ بِالشَّيَاطِينِ لَا تَخْلُوا مِنَ الشِّرْكِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى الْوَصَائِتِ الَّتِي يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى دَعْوَى الْعُلُومِ الْغَيْبِيَةِ » Donc, le cheikh il explique et il dit que beaucoup parmi les gens qui prétendent l'avenir, connaissent l'avenir, justement, ils font appel au diable, et pour avoir cette relation qu'ils ont avec les shayatins, avec les diables, eh ben, ils doivent en échange faire des actes de shirk ou certains actes de sacrilège pour avoir cette relation qu'ils ont avec le djinn. Et donc, ça nous montre qu'en réalité, c'est un acte de prétendre connaître l'avenir, et bien ça fait partie des actes qui ont rapport avec le shirk. C'est pour ça que le shirk il dit ensuite, فَالْكَهَانَةُ الشِّرْكُ مِنْ جِهَةِ دَعْوَ مُشَارَكَةِ اللَّهِ فِي عِلْمِهِ الذي اختص به ومن جهة التقرب إلى غير الله. Donc, prétendre savoir, de prétendre dire l'avenir, c'est shirk dans deux façons. C'est shirk dans le fait qu'on prétend posséder une attribut qui appartient uniquement à Allah, c'est-à-dire connaître l'invisible, et c'est shirk aussi du point de vue du fait que tu prétends te rapprocher à, tu essaies de te rapprocher à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, en essayant de servir une autre créature qu'Allah, de servir autre que Allah en lui obéissant dans ce qui est haram, yani, et en ce qui est même shirk billah. Yani. Donc, le Cheikh après, il mentionne un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim. Il dit, wa fi Sahih Muslim, an ba'di azwaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, man ata arrafan, fa sa'alahu an shay'in, فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. Donc le hadith il dit, yani selon une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va voir une personne qui prétend connaître l'avenir, un médium ou un voyant, et qui lui demande au sujet de quelque chose et qu'il croit en ce qu'il dit, alors sa prière ne sera pas valable pendant 40 jours. Hein? Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود. Hadith qui dit selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va avoir un médium ou un voyant et qui le croit dans ce qu'il dit, alors il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est le fait d'aller voir une personne qui prétend connaître l'avenir, un voyant, le fait d'aller le voir, eh bien déjà, même si tu ne crois pas en ce qu'il dit, les ulama ils ont dit ta prière pendant 40 jours, elle ne sera pas acceptée. Elle ne sera pas valable, même si tu dois la faire obligatoirement, comme on sait qu'on n'a pas le droit de laisser la prière. Sauf que pendant 40 jours, elle n'aura pas de récompense cette prière, elle n'aura aucune valeur. Hein? C'est comme une sorte de punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ceux qui font un acte pareil. Puis si tu vas voir le voyant et tu crois en ce qu'il dit, alors là, automatiquement, bien entendu, tu sors de l'islam et tu as rejeté la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est une bonne question, le fait qu'est-ce qu'il demande au sujet des horoscopes qui sont écrits dans les journaux. Est-ce qu'on peut dire que ça s'applique aussi, ce hadith-là, aux choses qu'on lit dans les magazines et dans les journaux, c'est-à-dire l'horoscope par exemple et les signes zodiaques et ces choses-là? Eh bien, yani, les ulama, bien entendu, ils ont dit oui parce qu'il n'y a pas grande différence entre le fait d'aller voir un voyant et d'écouter qu'est-ce qu'il va te dire au sujet de l'avenir, et le fait d'aller lire dans le journal les prédictions d'un voyant. La seule différence, c'est qu'il les a écrits dans le journal. C'est la même chose que si tu allais le voir en personne. Donc, il ne faut pas le lire. Et si tu les lis et tu y crois, bien là encore, là, tu sors de l'islam. Mais si tu le lis mais tu n'y crois pas, ça ne tient pas que c'est pendant 40 jours. Wallahu a'lam. Et souvent ces gens-là justement, c'est des gens qui, parce que comme on a dit, personne connaît Al-Ghayb excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est clair et net. Personne connaît l'avenir, personne connaît quoi que ce soit de l'avenir excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et personne connaît quoi que ce soit du Ghayb excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc personne a un don de voyance. Sauf que certaines de ces personnes-là, justement, ils ont des contacts peut-être avec des djinns. Et ces djinns-là, ils leur font voir certaines choses ou leur faire entendre certaines choses Et yani, c'est ça que eux peuvent, parfois peut-être que c'est eux qui considèrent que ça c'est un don de voyance. Mais en réalité, yani, c'est juste parce que yani, les chayatines qui jouent avec leur esprit peut-être. D'accord? Allahu a'lam. Après, qu'est-ce que je voulais spécifier justement à propos de, des horoscopes? Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui sont utilisées par les gens pour prétendre de connaître l'avenir, pas seulement les horoscopes. Il y a aussi, par exemple, les feuilles de thé. Il y a des gens qui lisent dans les feuilles de thé. Il y a des jeux de cartes comme le tarot et d'autres jeux aussi, les coquillages. Il y a les lignes de la main, les baguettes. Il y a des gens qui vont voir une femme pour, ou un homme, quelqu'un qui va essayer de regarder dans sa main pour dire bon, ça c'est ta ligne de vie, ça c'est la ligne de ça, tu vas vivre longtemps, tu vas avoir beaucoup d'enfants, des choses comme ça. Ça aussi, ça fait partie de, il y a des gens qui prétendent connaître Al-Ghayb. On voit aussi dans les journaux beaucoup d'annonces, des grands voyants, des grands médiums. Et il y en a même qui ont des noms musulmans, hein. Et tu les vois dans les journaux et ils disent, si vous avez des problèmes dans votre vie amoureuse ou dans votre carrière ou dans d'autres choses, téléphonez-nous et puis on va vous régler tout ça, et tout ça. Donc ça c'est des choses de shirk. Et parfois yani, ils vont demander à la personne de donner un objet de la personne ou de certaines choses. Des choses comme, et donc avec ces objets-là, ils vont être capables de faire de la magie ou des choses comme ça pour essayer d'avoir des services d'un djinn, pour essayer de trouver des moyens de faire des actes de sorcellerie ou d'autres choses. Donc c'est souvent des gens qui mélangent ça, avec de la magie. Et c'est de ça que le chef parle ensuite quand il dit « وَمِمَّا يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَالتَّحْذِيرُ مِنْهُ أمر السحرة والكهان والمشعوذين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فبعضهم يظهر للناس بمظهر الطبيب الذي يداوي المرض وهو في الحقيقة مفسد للعقائد بحيث يأمر المريض أن يذبح لغير الله أو يكتب له الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية والبعض الآخر منهم يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات وأماكن الأشياء المفقودة بحيث يأتيه الجهال ويسألونه عن الأشياء الضائعة فيخبرهم عن أماكن وجودها أو يحضرها لهم بواسطة الشياطين والبعض الآخر منهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات كدخول النار وضرب نفسه بالسلاح ومسك الحيات وغير ذلك وهو في الحقيقة دجال مشعوذ وولي للشيطان وكل هذه الأصناف تريد الاحتيال والنصب لأكل أموال الناس وإفساد عقائدهم فيجب على المسلمين أن يحذروهم ويبتعدوا عنهم ويجب على ولاة الأمور استتابة هؤلاء فإن تابوا وإلا قتلوا لإراحة المسلمين من شرهم وفسادهم وتنفيذا لحكم الله فيهم ففي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي. نعم. donc dans ce passage là il y a beaucoup de commentaires très très intéressants et puis je vais essayer d'expliquer. Le cheikh il dit parmi ce qui est important de prévenir les gens et d'avertir les gens, c'est en ce qui concerne les magiciens et les médiums ou les voyants et les charlatans, il y en a qui détruisent ou qui font du désordre sur la terre, qui ne font pas du bien. Yani. Alors, beaucoup d'entre eux, ils se présentent aux gens comme étant yani, des médecins qui guérissent, qui sont capables de guérir la maladie. Alors qu'en réalité, ils détruisent et ils corrompent les croyances des gens. par exemple, ils vont demander à la personne malade d'égorger un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien il va lui écrire un talisman ou lui faire un talisman qui contient des actes de shirk ou des paroles de shirk, des incantations qui sont inspirées par le shaitan. Eh bien, aussi parmi ces gens-là, ils vont paraître comme étant des gens qui vont informer les gens au sujet des choses inconnues, invisibles, ou des objets perdus. Les objets que ces gens-là ont perdus pourraient être de leur informer où est-ce qu'elles sont, ou bien, et comme le chef dit, et parmi ces gens-là, les ignorants vont venir voir ces gens-là pour leur demander où sont telle affaire que j'ai perdue dans le passé. Et peut-être que justement cette personne-là va leur dire alors à quel endroit ils les ont perdus, ou même que parfois même ils vont la faire apparaître devant eux avec l'aide des diables et des shayatines. Avec l'aide des diables et des shayatines qui va leur apporter ces choses-là qu'ils avaient perdues. Et donc parmi ces voyants et ces charlatans, ils se présentent comme étant des awliya, des gens pieux et des gens religieux, se présentent à eux comme étant des gens religieux qui ont des miracles, qui font des sortes de miracles pour aider les gens. Et parfois même ils sont capables même de rentrer leurs mains dans le feu ou de se frapper avec une arme ou de prendre des serpents dans leurs mains et ils se font pas piquer. Alors à cause de ça, les gens les voient et ils croient que ce sont des gens qui ont un pouvoir sur ces choses-là, alors qu'en réalité ce sont des faux messies, ce sont des charlatans et qui sont des alliés du diable. Mais parce que souvent ce sont les shayatins qui les aident à faire ces choses-là. Après, il dit, écoute, toutes ces sortes de personnes, ils veulent uniquement tromper les gens et essayer de prendre l'argent des gens dans le mensonge. Parce que c'est toujours relié à l'argent, ces histoires. Ces gens-là, ils vont jamais faire ce qu'ils font pour rien. Ils vont toujours demander en échange un bien matériel. Et souvent, ils demandent des grosses sommes d'argent. D'accord? Alors, ils font ça justement, c'est pour, comme le cheikh dit, « Akhl amwal al-nas bil-batil ». C'est pour manger l'argent des gens de façon injuste. D'accord? Et le cheikh dit, et c'est obligatoire de prévenir les musulmans contre ces gens-là. Et c'est obligatoire aux dirigeants des musulmans, aux gens qui sont responsables des musulmans, de porter ces gens-là à se repentir et à revenir à l'islam, et sinon de les exécuter pour que les musulmans soient purifiés ou en repos de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus harcelés par ces gens-là et par le mal qu'ils font et le désordre qu'ils font. Et aussi pour appliquer sur eux le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été rapporté dans le Bukhari, le Sahih de l'Imam al-Bukhari, selon Bajala ibn Abdah, qui a dit, j'ai écrit Omar ibn al-Khattab a écrit, et il a dit de tuer tous les magiciens et les magiciennes, ou les sorciers et les sorcières. Et selon un autre rapport, selon Jundub, qui a été rapporté aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit la punition pour tout sorcier ou magicien, c'est de le frapper avec l'épée. Et ça a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Donc, ça c'est qu'est-ce que le chef a dit à propos des gens qui prétendent connaître l'avenir. D'accord? Maintenant, le cheikh, il passe à un autre sujet, qui est At-Tatayyur. Et At-Tatayyur, en français, ça se traduit comme étant de croire au mauvais présage. Et ça, je vais vous l'expliquer plus en détail, vous allez comprendre, Inch'Allah. Le cheikh, il dit, « وَهُوَ التَّشَاؤُمْ بِالطُّيُورِ وَالْأَسْمَاءِ وَالْأَلْفَاظِ وَالْبِقَاعِ وَالْأَشْخَاصِ وَغَيْرِ ذَلِكَ » فإذا عزم شخص على أمر من أمور الدين أو الدنيا فرأى أو سمع ما يكره أثر فيه ذلك أحد أمرين، إما الرجوع عما كان عزما عليه تطيرا وتأثرا بما رأى أو سمع فيعلق قلبه بذلك المكروه فيؤثر ذلك على إيمانه فيخل بتوحيده وتوكله على الله، وإما أن لا يرجع عما عزم عليه ولكن يبقى في قلبه أثر ذلك التطير من الحزن والألم والهم والوسواس والضعف، فيجب على من وجد شيئا من ذلك في نفسه أن يجاهدها على دفعه ويستعين بالله ويتوكل عليه ويمضي في شأنه ويقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il explique, il dit, qu'est-ce que c'est at-tatayur? C'est d'avoir un mauvais présage, aussi, que ce soit par des oiseaux, ou des noms, ou des certains mots, ou des endroits, ou des personnes, enfin, certaines personnes. Je vais vous donner quelques exemples de choses qui sont aujourd'hui des mauvais présages, et puis vous allez tout de suite, Inch'Allah, vous allez comprendre de quoi on parle. Si je vous dis par exemple, le vendredi 13, les chats noirs, si je vous dis par exemple, un miroir, casser un miroir, passer en dessous d'une échelle, ça c'est des choses qui, ici, en Amérique du Nord, sont des choses qui font partie des mauvais présages. Les gens croient que, par exemple, le fait de, que ce soit un vendredi 13, eh ben c'est très mauvais de faire quelque chose ce jour-là parce que c'est un jour qui porte malchance. Ah, ok? Par exemple, de casser un miroir, les gens disent ça c'est 7 ans de malheur. Si tu casses un miroir, tu vas avoir 7 ans de malheur. Si tu passes en dessous d'une échelle, alors c'est comme un mauvais présage. Si par exemple tu vois un chat noir, c'est telle chose. C'est des exemples, ça c'est des choses aussi qui rentrent dans le chiffre et on va expliquer, on va comprendre pourquoi. Par exemple, moi je me souviens même ici, les Québécois ils connaissent ça surtout, parce que ma grand-mère, elle nous disait toujours ça quand on était petit. Si tu échappes une cuillère, ça veut dire quelque chose. Si tu échappes une fourchette, quelque chose d'autre. Si tu échappes un couteau, ou je sais pas, toujours des choses de ce genre. Et il y en a beaucoup, bon, beaucoup de choses de ce genre-là, moi je ne les connais pas toutes, mais au temps des Arabes, c'est-à-dire avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, ils avaient ça aussi dans leur société, et c'était surtout relié aux oiseaux. Si par exemple, ils sortaient, un de ces gens sortait de leur maison, et qu'ils voyaient un oiseau, une corneille, ou un oiseau, une sorte d'oiseau en particulier, et qu'il les voyait arriver d'une certaine direction, ou qu'il les voyait proche de un endroit particulier, eh ben, s'il avait l'intention d'aller quelque part, il revenait sur ses pas, il disait, je vais pas sortir parce que cet oiseau-là, c'est un mauvais présage. Ça va me porter malchance. Alors il revenait chez lui, il dit, aujourd'hui je reste chez moi parce que j'ai vu cet oiseau. Hein? Donc, c'est de ça que le chef, il parle. Il dit, ça s'appelle tatayur. Ça vient du mot même, en arabe, le mot oiseau c'est toyer. Donc ça vient du terme de l'oiseau, à cause de ça. Mais ça ne s'applique pas uniquement aux oiseaux. Ça s'applique à toute autre chose. Ça peut être des noms, ça peut être des personnes, ça peut être des endroits, ça peut être des moments. Donc tout ça, c'est depuis que tu crois que ces choses-là ont un effet, que ça peut t'amener un malheur dans ta vie, et que ça a un effet sur les choses qui peuvent se produire dans ta vie, ou en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, c'est un acte de shirk. Tu as donné à ces choses-là une cause réelle, alors qu'en réalité, elle n'a aucun effet dans la réalité. Alors, le cheikh, il dit, c'est ça. Alors, il y a deux façons que at-tatayur ou le mauvais présage affecte une personne. Et dans ces deux façons-là, ça représente une faiblesse dans sa foi et ça représente un manquement dans ton tawhid, dans ta façon d'unifier Allah dans ta croyance. Par exemple, la première, c'est-à-dire lorsque tu sors de chez toi puis tu vois une chose qui te fait croire à un mauvais présage, tu reviens chez toi. Après que tu étais convaincu, tu étais certain que tu voulais aller à tel endroit. Et là, tu sors de chez toi, tu arrives, tu vois ce mauvais présage, tu dis, ah, aujourd'hui je reviens à la maison. Donc, le cheikh, il dit, il a accroché, la personne qui retourne, elle a accroché son cœur à ce mauvais présage, et ça affecte sa foi et ça, yani, affaiblit son tawhid, son unicité d'Allah, et aussi ça affaiblit aussi le fait de sa confiance qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul, comme on en a parlé déjà dans les cours précédents. D'accord? Et il y a l'autre cas de la personne qui va pas revenir, c'est-à-dire elle va voir le mauvais présage, elle va pas retourner sur ses pas, sauf qu'elle va garder dans son cœur une crainte et une certaine tristesse ou une certaine angoisse, ouais, c'est ça, exact. Donc, ou une faiblesse. Donc, ça aussi, ça représente un manquement dans sa foi, ça affaiblit sa foi, puis ça montre que sa confiance en Allah est faible. Hein. Il n'a pas encore une foi qui est établie à cause de ça, parce que ça vient en contradiction avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, le cheikh, il dit, فيجب على من وجد شيئا من ذلك في نفسه ان يجاهدها. C'est-à-dire, la personne qui trouve qu'il a une de ces choses-là en lui, il doit la combattre. Il doit se forcer à, rejeter cette croyance en ce mauvais présage. Et, il doit demander l'aide d'Allah et il doit mettre sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et continuer à vouloir faire ce qu'il voulait faire en partant. Et pas, changer de point de vue à cause de ce mauvais présage. Et après, il dit, il doit dire un dua, et le dua dans lequel il doit dire, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant, wa la yadfa' as-sayyi'at illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ça veut dire, ô Allah, personne ne peut venir avec les bonnes choses excepté toi, et personne ne peut repousser le mal excepté toi, et il n'y a pas de mouvement ni de force en dehors de toi. Donc tu dis ce dua et inshallah tu continues dans ton chemin. Après le cheikh il dit wa at-tatayyur da'un qadim dhakarahu Allah 'an al-umam al-kafira wa annahum kanu yatatayyaruna bi khayr al-khalq wa hum al-anbiya wa atba'uhum al-mu'minin kama dhakara Allah 'an fir'aun wa qawmihi annahum idha asabatuhum sayyi'ah يتطيروا بموسى ومن معه ففي من آية القرآن. قال الشيخ القاسمي دي وكما ذكر الله عن قوم صالح أنهم قالوا له اطيرنا بك وبمن معك وكما ذكر الله عن أصحاب القرية أنهم قالوا لرسل الله إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم وكما ذكر الله عن المشركين أنهم تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. Donc le cheikh il dit, التطير, c'est-à-dire les mauvais présages, les présages de malchance et des choses de ce genre, c'est très ancien, c'est-à-dire ça fait très longtemps que ça existe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en a même parlé au sujet des nations qui étaient mécréantes bien avant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il a donné l'exemple, que ces gens-là, ils prenaient un mauvais présage des meilleurs êtres humains, des meilleurs des créatures, c'est-à-dire les prophètes d'Allah, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils considéraient que les prophètes étaient des signes de mauvais présage, de malchance. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans plusieurs versets dans le Coran. Il prenait les prophètes et ceux qui suivent les prophètes comme étant des signes de malchance et de mauvais présage. Okay, comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de Pharaon et de son peuple, que lorsque un mâle les atteignait, il disait, ils ont vu en Moussa un signe de mauvais présage. Ils ont vu en Moussa et en ceux qui étaient avec lui un signe de mauvais présage. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit la même chose en ce qui concerne Salih, le prophète Salih, et le peuple de Salih, ils ont dit à Salih, on voit en toi un signe, on voit en toi et en ceux qui te suivent un mauvais signe, un signe de mauvais présage. Et la même chose au sujet des gens dans Surat Yassin, Ashab al-Qariya, les gens de la cité, lorsqu'ils ont reçu les prophètes, trois prophètes, eh ben, ils ont dit aux prophètes, les gens de cette cité qui avaient mis cru en Allah, ils ont dit, on voit en vous un mauvais présage. Et si vous ne cessez pas, nous allons faire vous lapider, ou bien vous allez avoir un châtiment de nous, de notre part. Et donc, ils voyaient en les prophètes un mauvais présage, et même Allah subhanahu wa ta'ala, il a rapporté, il a dit dans le Coran au sujet des mouchriquins qu'il voyait un mauvais présage même en la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, et si un mal les atteint, ils disent, ce mal vient de toi, c'est-à-dire il vient de toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils accusaient, ils croyaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une cause du mal qui les atteignait, et donc que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un mauvais présage pour eux. Et après le chef il dit wa kadha din al mushrikin wahid hayth intakat qulubuhum wa aquluhum fa'taqadu al shar biman huwa masdar al khayr wa hum ar rusul alayhim salatu wa salam wa ma dhalika illa litamakkun al dalal fi nufusihim wa intikat fitrihim وإلا فالخير والشر كلاهما بقضاء الله وقدره ويجريان حسب حكمته وعلمه تفضلا فالخير تفضل منه وجزاء على فعل الطاعة والشر عدل منه وجزاء وعقوبة على فعل المعصية قال تعالى وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Donc le chef il dit et voici comment et c'est de cette façon que la religion des mouchriquins est une. Yani on peut voir dans ce qu'on a lu précédemment que tous les différentes nations et les différents peuples, peu importe le fait qu'ils étaient séparés, c'est-à-dire qu'ils étaient à différentes époques et qu'ils ne se sont jamais concertés entre elles, c'est-à-dire le peuple de Fir'aun, le peuple de Salih et le peuple des autres prophètes, ils ne se sont pas rencontrés ensemble pour s'entendre sur le fait que les prophètes étaient des mauvais présages, ils ne se sont jamais connus entre eux. Sauf que ils ont toutes cette chose en commun, qu'ils prennent les meilleurs des êtres humains comme étant un signe de mauvais présage. Et donc c'est pour ça que dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Atawa sawbe » par exemple, est-ce qu'ils se sont tous mis d'accord là-dessus? Comment ils se sont même pas connus, les mécréants, les kuffars, les mouchriquins, ils étaient tous à des différentes époques, à différents endroits sur la terre. Et malgré tout ça, ils sont tous d'accord sur les mêmes principes de kuffre et de shirk, parce que justement c'est le shaitan qui leur inspire les mêmes égarements. Alors peu importe où vous allez trouver que les mouchriquins répètent toujours les mêmes arguments aux prophètes et aux messagers et aux croyants en général qui appellent à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme Allah dit dans le Coran, « تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ » C'est ainsi que les gens qui étaient avant eux ont dit la même chose qu'eux, parce que leur cœur se ressemble. Leur cœur ont les mêmes maladies, les mêmes problèmes, les mêmes formes de mécréance. Alors, à cause de ça, ils vivent les mêmes sortes de mécréances. Donc, le chef il dit, et pour la raison pour laquelle ils ont pris les prophètes, alayhi salatu wa salam, comme étant des sources de mauvais présages, c'est parce que yani l'égarement s'est établi en eux et leur nature a été yani renversée, yani elle a été déformée, et donc à cause de ça ils voient que le bien c'est le mal et le mal c'est le bien. Alors le chef il dit, le bien en réalité, si on regarde la question des mauvais présages, eh bien on doit, en tant que on est musulman, donc on sait que le bien et le mal sont tous les deux décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça fait partie de Al-Qada ou Al-Qadar, c'est-à-dire ça fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour la création. D'accord? Donc, tout ça, le bien et le mal qui se produit dans l'univers, ça se produit selon la sagesse et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le bien, le bien c'est un mérite que Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala récompense l'obéissance. Non. Et le mal, yani, qui atteint les gens, c'est une justice qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parfois c'est aussi une punition ou yani, un examen pour les gens qui ont commis un péché. D'accord? Et puis parfois même un mal qui atteint des mu'minines, des croyants, et bien Allah subhanahu wa ta'ala enlève par ce mal, il purifie certains de leurs péchés. C'est-à-dire, il leur efface certains de leurs péchés à cause de cette épreuve ou de ce malheur. Donc, c'est pour eux une kafara, c'est comme une sorte d'expiation pour le mal qu'ils ont commis. Donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, tout bien qui vous atteigne, alors ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout mal qui vous atteigne, eh bien, ça vient de vous-même. Après, le cheikh continue et dit « فَالتَّطَيُّرْ شِرْكٌ لِكَوْنِهِ تَعَلُّقٌ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ » Naam. Naam. « فَالتَّطَيُّرْ شِرْكٌ » Donc, le fait de croire au mauvais présage, ça représente un acte shirk d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les kawnihi ta'alluqun ala ghayrillah. C'est parce que tu t'accroches et tu t'attaches à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'attaches à une chose et tu crois que cette chose-là est une cause qui va te faire que le mal t'atteint. Et tu crois que cette chose-là n'a pas rapport avec ce que Allah a prédestiné pour toi. Et que, yani, cette chose-là a un pouvoir ou un contrôle sur qu'est-ce qui va se produire dans ta vie. Et donc, ça fait, bien entendu, ça fait partie du shirk, yani. Donc, tu t'accroches à autre que Allah et tu crois que le mal peut t'atteindre, comme le shirk dit, wa atiqadu bi husul al-darab min makhluqin la yamliku li nafsihi darran wa la naf'a wa li kawnihi min ilqa' al-shaytan wa waswasatihi ولكونه يثر عن القلب خوفا وخشية وهو ينافي التوكل. Donc aussi ça représente le manque de shirk du fait que tu crois que le mal peut te venir d'une créature qui ne possède ni le bien ni le mal pour lui-même. Par exemple, je sais pas moi, la chose à laquelle tu crois avoir le pouvoir de t'amener du mal ou de la malchance, eh bien, elle peut même rien faire pour elle-même. Alors, comment tu peux croire qu'elle peut t'amener du mal à ta personne? Donc, si tu crois en ça, yani, tu as cru qu'une créature d'Allah possède le pouvoir de te faire un bien ou un mal. Et aussi, ça représente un acte de shirk du fait que ça vient des shayatins et que ça vient de leur, qu'est-ce qu'ils viennent se souffler dans le cœur. Parfois, le shaitan il vient et il vient dans ton oreille, il vient te souffler des choses, des craintes qui ne sont pas réelles, juste pour mettre la crainte dans ton cœur, et donc c'est, ça, ça fait partie des ouswas des diables, et si tu crois en ça, yani, c'est bien entendu que yani, ça affaiblit ta foi, ça affaiblit ta croyance et ta confiance que tu as en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, cet effet produit dans, sur toi, yani, lorsque tu as cru en ces mauvais présages, ben, ça crée en toi de la crainte et de la peur, et ça, ça c'est contraire aussi le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh dit, « وَإِلَيْكُمْ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مُحَذِّرًا مِنَ التَّطَيُّرْ فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة متفق عليه وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك والطيرة الشرك الطيرة الشرك الطيرة الشرك وفي صحيح مسلم عن معاوية ابن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه تؤذيه وتشاؤمه بالطيرة للطيرة إنما هو في نفسه وعقبته لا في المتطير لا في المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويسده تأثرا بما رآه أو سمعه. Donc le Cheikh il mentionne quelques hadiths qui ont été mentionnés sur ce, dans ce sujet et il donne l'explication et il dit voici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des mauvais présages et ce qu'il a averti les gens à ce sujet. Il dit les deux imams, c'est-à-dire Al-Bukhari ou Muslim, ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de mauvais présages, il n'y a pas de hamma et de safar. Alors les gens ont dit donc on traduit qu'est-ce que ça signifie, c'est-à-dire la adwa, c'est-à-dire il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de tayara ou la hamma ou la safar. Hamma c'est un oiseau que les gens, il y a une autre sorte d'oiseau que les gens prenaient un mauvais présage à son sujet. Et safar, il y a différentes explications des ulama. Il y en a parmi les ulama qui ont dit que safar c'était le mois de safar, parce que parmi les arabes il y en a qui prenaient un mauvais présage avec ce mois. Et aussi il y en a d'autres qui ont dit que safar c'était une sorte de maladie aussi. Donc à ce sujet là il y avait plusieurs explications pour ce mot, sauf que les quatre, il y avait quatre définitions, je m'en souviens seulement de deux, mais les quatre entraient dans la signification de yani tatayur et yani des mauvais présages. Et donc c'est juste une explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous prévenir et pour nous faire comprendre que ces choses là n'ont pas réellement d'effet et qu'il ne faut pas avoir peur de faire quelque chose à cause des mauvais, de la crainte des mauvais présages à cause de ces choses-là. En ce qui concerne la adwa, en ce qui concerne les contagions, eh ben, on sait que il peut y avoir une relation entre le fait d'être en contact avec des personnes qui ont certaines maladies qui sont contagieuses, hein, et qu'on peut savoir qu'à un certain moment donné, ces maladies-là, elles peuvent se transmettre d'une personne à l'autre. Sauf qu'il ne faut jamais oublier que même ces transmissions de ces maladies contagieuses sont aussi par qadar Allah, yani, ça fait partie de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. D'accord? Et qu'elle ne se propage pas uniquement, yani, d'elle-même. et une des personnes, un des bédouins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il n'y avait pas de contagion, ils ont demandé, et après l'adhan on va continuer. Inch'Allah. Donc on continue, et puis j'expliquais avant le hadal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été demandé par un des bédouins au sujet de la contagion, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de contagion. Alors la personne a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se fait-il que lorsque un de nos chameaux ou de nos chamelles est malade et qu'on la met en contact avec les autres, eh bien, la maladie se transmet aux autres. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a dit, et qui a rendu malade la première, le premier chameau ou la première chamelle, c'est-à-dire, qui était la première à avoir reçu cette maladie contagieuse, et d'où venait-elle? Il fallait que, vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez, il y a la première. Oui, la première, exactement. Non. Donc si c'est une maladie qui se transmet, il faut bien que cette maladie commence par quelqu'un ou par quelque part. Et donc on sait très bien que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la guérison et la maladie viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça fait partie de la prédestination. Et ça a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala par son savoir, sa sagesse et sa justice. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a averti et nous a aussi prévenu en ce qui concerne les maladies qui sont susceptibles de se transmettre de cette façon. C'est comme par exemple lorsqu'il a dit, si vous entendez que dans une ville il y a la peste ou une maladie de ce genre, alors n'entrez pas. Et si vous êtes dans cette ville, ne sortez pas. Donc, ça c'est des enseignements qu'il nous a donnés, justement pour nous prévenir et pour nous faire comprendre que il peut y avoir des transmissions de cette maladie, sauf qu'il ne faut jamais oublier que de toute façon, toutes ces choses-là qui se transmettent sont transmises par la prédestination d'Allah et par sa volonté, donc de mettre sa confiance à Allah. Aussi dans un hadith aussi, ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, si vous voyez quelqu'un qui a la lèpre fuyait de lui comme on s'enfuit d'un lion. Alors, fuyez comme vous fuyez d'un lion, en voyant un lion. Donc, c'est toujours pour nous faire voir que, de prévenir, pour éviter les transmissions des maladies contagieuses et des choses de ce genre. Sauf que, toujours garder en conscience que ces choses-là sont prédéterminées et prédestinées d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve de ça, c'est que c'est pas nécessairement vrai que si tu es en contact avec une maladie contagieuse, que tu vas être contaminé. Il y a certaines personnes qui vont être en contact avec des gens qui ont des maladies contagieuses, qui vont pas être affectés par cette maladie. Et il y en a d'autres qui vont être en contact et qui vont être affectés. Et donc, ça prouve que il y a aussi d'autres raisons et d'autres choses qui entrent en ligne de compte et que il faut toujours quand même savoir que ces choses-là sont prédestinées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce sens-là, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit qu'il n'y a pas de contagion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ces choses-là se propagent d'elles-mêmes sans que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui soit en contrôle de ces choses-là, d'accord? Et après, il a mentionné un autre hadith qui dit « Il n'y a pas de contagion ni de mauvais présage, mais j'aime beaucoup la al-fa'al. » Et al-fa'al, c'est le fait d'avoir pas quelque chose qui dit « Bon, ça m'inspire le bien. Ça me fait croire que cette chose-là va amener un bien ou quelque chose comme ça. » Et les sahaba ont dit qu'est-ce que c'est al-fa'al? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et j'aime al-fa'al, les sahaba ont dit et qu'est-ce que c'est al-fa'al? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-kalimatu tayyiba, c'est-à-dire c'est la bonne parole. Hein? Lorsque tu entends une bonne parole ou une personne qui a un nom qui est beau, qui inspire le bien, qui fait penser au bien, quelque chose de ce genre, alors tu entends ce mot-là et ça te fait avoir un bon sentiment envers cette chose-là. Donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça je l'aime, cette chose. C'est pas la même chose que d'avoir un mauvais présage. Non. Ça, c'est possible, là. Et puis beaucoup des sahaba, parmi les sahaba, il y en a qui avaient des mauvais noms avant l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'islam, a changé leur nom pour des noms qui étaient bons après. Pourquoi? Parce que leur nom inspirait des mauvaises choses et donc c'était négatif. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un nom qui inspirait quelque chose de positif et de bon. Et donc c'est un exemple comment les mauvais noms, les mauvaises paroles peuvent avoir parfois un effet. Bien entendu, ça inspire du bien quand on entend quelqu'un qui a un beau nom. Après, le cheikh a mentionné un autre hadith. Le dernier hadith que j'ai mentionné, il était rapporté aussi par Al-Bukhari Muslim. L'autre hadith qui est rapporté selon Ibn Mas'ud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que At-Tayyara Shirk, c'est-à-dire le mauvais présage, c'est Shirk. Le mauvais présage, c'est Shirk. Il l'a répété deux fois. Dans un autre hadith rapporté dans le Sahih Muslim, selon Muawiyah ibn al-Hakam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans lequel Muawiyah ibn al-Hakam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a parmi les gens qui prennent des mauvais présages de certaines choses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est une chose que vous trouvez en vous-même qu'une personne trouve en elle-même, alors ne faites pas cette chose-là vous empêcher de faire ce que vous voulez. Continuez à le faire si vous voulez faire quelque chose, ne laissez pas ce mauvais présage vous empêcher de faire ce que vous voulez. Alors le cheikh il explique et il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué que le mal et le mauvais présage avec les mauvais présages, c'est, en réalité, c'est à l'intérieur de la personne, dans sa croyance, qu'il y a un mauvais présage, et non dans la chose elle-même de laquelle il prend le mauvais présage. Par exemple, si je dis l'exemple du vendredi 13, il n'y a pas de mauvais présage dans le vendredi 13, mais c'est dans la croyance de la personne qui croit que le vendredi 13 est un mauvais présage, qu'il y a un mauvais présage en réalité. D'accord? Donc, c'est pas dans la chose elle-même. Alors, ça fait partie en réalité de sa crainte personnelle. Donc, c'est ça qui pose l'effet en réalité de sa croyance. C'est cette croyance-là qui pose l'effet en lui et qui lui donne cette crainte. Et non la chose elle-même. Donc, on va arrêter ici. Puis on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Parce qu'il reste encore beaucoup de choses à dire là-dessus, à propos de Al-Fa'l, comme on a parlé du bon présage. Le chef, il va mentionner des exemples là-dessus, et il va citer des paroles de Ibn Qayyim, et il y aura d'autres explications. Et puis, on va parler la semaine prochaine de l'astrologie, Inch'Allah. Et donc, on va réfléchir à tout le qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إلى قيامة الله بارك الله فيكم